Huitième station. Jésus s'adresse aux filles de Jérusalem. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Avec la foule du peuple, un grand nombre de femmes suivaient notre Seigneur, et ces femmes pleuraient et se lamentaient sur son sort. Jésus, se tournant vers elles, leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira, « Bienheureuses les stériles et celles qui ne sont point devenues mères. Alors ils diront aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, écrasez-nous. Car si c'est ainsi qu'est traité le bois vert, que sera-t-il donc fait au bois sec ?» Quelle étrange sévérité dans ces paroles de Jésus! Est-ce donc ainsi que le cœur de notre bon maître devait accueillir les témoignages d'une tendre compassion? Que signifie ce mystère? Il signifie que les pleurs et les lamentations d'une âme faible et sans énergie ne remédient à rien. Qu'au lieu de déplorer les suites de nos fragilités, nous devons en combattre les causes, non avec une mollesse féminine, mais avec un courage viril, une volonté droite, ferme et généreuse, une constance inébranlable. Il ne faut pas que notre confiance dégénère en présomption et que nous en venions à trop compter sur nos forces. Il ne faut pas que nous nous flattions de nous convertir sans quitter et fuir les occasions d'obtenir le pardon sans repentance, la persévérance sans la mortification des sens et la docilité à la grâce, la gloire éternelle, sans mérite. Notre espérance ne nous conduirait point à la vie sans fin si elle n'était accompagnée de résolutions sincères, d'une fidélité soutenue. L'arbre qui ne produit ni feuilles, ni fleurs, ni fruits est un bois sec. Et que sera-t-il fait au bois sec? Jésus ne se contente donc point des larmes des filles de Jérusalem, mais, afin de réveiller leur bonne volonté, de fortifier leur courage, il cherche à leur inspirer une crainte salutaire de la justice divine. Parce que le monde nous détourne de la voie étroite qui mène à la sainteté, en nous en faisant appréhender les privations et les rigueurs, Jésus nous rappelle à la sainteté, en nous faisant redouter la voie large et spacieuse qui aboutit aux abîmes éternels. « Ne vous laissez pas, nous dit-il, effrayés par ceux qui tuent le corps et ne peuvent rien contre l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut précipiter le corps et l'âme dans les enfers. C'est ainsi qu'il nous apprend à mépriser les vains épouvantails de la chair et du sang, les insultes et les railleries du monde, les persécutions les plus violentes et la mort même. À toutes les craintes mondaines, il en oppose une infiniment plus redoutable, la crainte de Dieu. Ô Jésus, votre exemple m'apprend à ne compter pour rien les pertes, les épreuves, les travaux, les souffrances, tous les maux de la vie présente, quand il s'agit de conserver la vertu de gagner le ciel. Ah, donnez-moi la force, la fermeté d'âme nécessaire, non pour affronter le martyre ou des croix chimériques, mais pour résister courageusement aux assauts importuns des passions et surmonter tous les obstacles du salut. Avec votre secours, je ne craindrai que ce qu'il faut craindre. Pour votre gloire, je n'hésiterai point à m'exposer aux croix qui sont dans l'ordre de votre providence. Et néanmoins, connaissant ma faiblesse, je ne me précipiterai point inconsidérément et de moi-même dans les dangers. Ah Seigneur, fortifiez-moi, vous-même, contre une lâche pusillanimité qui craint tout et contre une témérité présomptueuse et insensée. Inspirez-moi le courage d'entreprendre avec une pleine confiance ce que demande votre grâce et donnez-moi la générosité de cœur pour l'exécuter. Faites-moi mépriser toutes les espérances et toutes les joies de la terre. Formez-moi à une patiente résignation, afin que les maux présents ne m'accablent point de tristesse, qu'ils ne me détournent jamais de votre service, qu'ils ne m'empêchent pas de m'abandonner amoureusement et sans réserve à votre conduite. Que la longueur des afflictions et des souffrances ne me fasse jamais délaisser votre voie. Mais faites-moi la grâce de marcher avec constance dans le bien, malgré tous les obstacles, de persévérer dans les travaux et la peine, quelle que soit la durée de mes peines. Ô Jésus, faites-moi bien comprendre que les tribulations de cette vie sont légères et ne durent qu'un moment, qu'elles ne sont rien en comparaison de l'enfer. Transpercez ma chair de la crainte de vos jugements, en réfléchissant au supplice éternel des réprouvés, Pourrais-je redouter les peines de ce monde et ne pas les accepter de votre main? En voyant ce que vous souffrez, vous qui êtes le Saint des Saints, ne me réveillerai-je point à cette effrayante parole? Si c'est ainsi qu'est traité le bois vert, que sera-t-il donc fait au bois sec? Ah Seigneur, donnez-moi d'opérer mon salut avec crainte et tremblement, de m'appliquer avec fermeté et constance à toutes les bonnes œuvres, mais surtout graver dans mon âme une crainte filiale qui me fasse appréhender de vous déplaire et de perdre votre grâce, qui m'inspire une complète soumission à votre loi, une parfaite docilité à vos inspirations, une inébranlable volonté de resserrer les liens qui doivent m'unir à vous sur la terre et dans le ciel. Dire à notre Père un « Je vous salue Marie ». Mère Sainte, accordez-moi cette grâce, imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours, comme dès le commencement et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours, comme dès le commencement et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Mère Sainte, accordez-moi cette grâce, imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié.